C'est la mort aux trousses, le podcast qui... Bonsoir. Épisode 7 de La Mort Vaut Trop, c'est aujourd'hui un épisode un peu particulier. C'est vrai qu'on vous avait dit qu'on aurait Dorian et Paul aujourd'hui en direct des Philippines, mais au final non. On a eu un petit contretemps, ouais. Un petit contretemps, donc du coup on a décidé de faire un épisode courrier du LOL. On a reçu beaucoup de courriers, des milliers de lettres, on ne peut pas répondre à tout le monde. On essaie. Hein. On essaie, voilà, mais... Mais grâce à notre webmestre Arthur qui fait bien son travail, on a eu plein de petits courriers sympatoches qu'on va vous lire aujourd'hui, du coup. Mais d'abord, Marion, comment ça va ? Ça va. Je me fais un peu chier là aujourd'hui, j'avoue. j'ai un peu du mal là. Ouais. Là, on s'est mis dehors pour avoir des petits bruits, des petits oiseaux aussi en même temps et pour profiter du soleil. Ouais. Et voilà, on se lance. Ouais, ça va toi quand même ? Ouais, ça va. Ouais. Je sais pas, je vérifie quand même. Envie dans le même appartement. J'imagine, mais... là, je... Et là, tu sautes par-dessus le balcon. Et là, je te dis, oh putain, c'est la dépression. Non, ça va. Bah, c'est parti alors, du coup. Très bien. Alors, comment on fait ? Est-ce que on... j'ouvre le courrier ? Ouais, vas-y. Ouvre la première, la première de la pile et puis... Tu veux lire la première ? Je vais lire la première. Ouais. Alors, attends. Alors, voilà. Tiens. Alors, merci. Donc, la première lettre, elle nous vient d'un dénommé Boris. Alors, Boris, bonjour mesdames. Avez-vous des informations plus précises que la population française ? À vous écouter, mes rouleaux et moi avons l'impression qu'en tant que survivaliste aguerri, vous avez poussé les stocks de vivres jusqu'à Noël. En effet, régulièrement au cours de votre émission, nous entendons des gloussements comme si vous les éleviez des dindes ou des dindons. Pour info, la première fois que j'ai entendu vos voix suaves, je me suis précipitée au Franprix pour acheter des rouleaux de PQ en masse. Le confinement et le célibat ne font pas bon ménage. J'y retourne d'ailleurs cet après-midi pour avoir du stock. Enfin, une petite demande d'auditeur. Pourriez-vous donner des conseils musicaux sur des groupes oubliés ? Je pense par exemple au magnifique CD « Laisse pas traîner ton fist » du trop célèbre groupe marseillais « I am very deep ». Bise à toutes les deux et bon lundi ! Ah oui, alors on a un peu le temps de latence parce qu'effectivement il nous a écrit lundi. Alors, merci Boris pour votre courrier. Personnellement, j'ai en effet une grosse dinde hein, en intérieur. Et nos stocks devraient nous faire tenir au moins jusqu'à Pâques. Enfin, peut-être pas pour le chocolat parce que j'arrête pas de boulotter depuis la rupture du jeûne. Depuis hier. Voilà. Deux tablettes sont tombées pour la France. Voilà, pour la France, pour la patrie. Sinon, faites attention sur la route hein, pour aller vous ravitailler en PQ, en sopalin et autres moyens de vous palucher comme un gros dégueu. Un accident est si vite arrivé. Voilà, on vous embrasse bien fort, Boris. Mais de loin quand même. Oui, parce de que très vous loin. M'avez l'air d'être sacrément dégueulasse. Ouais. Pour ce qui est des conseils musicaux et des groupes oubliés, on en reparle à la fin de ce podcast. On a une petite surprise pour vous. Ah mais tiens, alors regarde, on a reçu une même lettre, alors le même jour. Ok. Tiens. Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Natacha et je suis une fidèle et ce, dès la première émission. Merci Natacha. Je me souviens la première fois que j'ai entendu votre voix podcastienne, j'allais faire mes courses au Franprix d'en bas. Mais l'avantage des 30 minutes de podcast, c'est que le temps de dévaliser l'armurerie avec mon conjoint, puis d'aller au Franprix coller une bastos dans le buffet de ce Jean-Foutre de Boris, qui n'est autre que mon voisin du troisième, lui qui avait encore acheté 13 paquets de PQ. Eh bien, le podcast se terminait au moment même où je rentrais chez moi. J'ai pu donc aller distribuer, armée de ma machette, les rouleaux de PQ orphelins aux orphelins du quartier et être élue reine moltonnelle. Un lundi comme un autre, en somme. Mais je m'égare. Pas de l'Est, hein. Oh, on a une, oh là. Une personne très drôle. Une aficionada des jeux de mots pourris. Ah oui. Elle doit être dans le même club qu'Arthur, je pense. Oui, je pense. Voici ma question. Vous qui semblez aimer l'humour, oui, ça va un petit peu, comment préférez-vous les blagues, courtes ou longues ? Et les chutes, précoces ou longues en bouche ? Merci pour votre émission. Bisous de loin, son Altesse Natacha, reine PQ, protectrice de la vulve et l'orphelin. Chère Altesse, merci beaucoup pour votre courrier. Nous sommes ravis d'apprendre que notre podcast vous accompagne dans vos activités quotidiennes. Un bon ménage de printemps, y compris parmi ses voisins, ne peut qu'être mis à profit en ces temps de confinement. Très bonne initiative. Le tout en faisant ruisseler les besoins de première et de deuxième nécessité. Quel altruisme, bravo, vraiment. N'oubliez pas cependant de bien désinfecter votre machette avant et après chaque utilisation, afin de respecter les gestes barrières. C'est important et ça ne coûte rien. Enfin, ça favorise, peut-être. En ce qui concerne votre question, personnellement, j'aime les blagues courtes et bien fournies. Bien denses, avec une chute qui dure. Et toi ? Eh bien, moi, je les aime bien longues en bouche. Son corset. Voilà, charnu. Très corset, tu sais, avec vraiment un corps... Un peu charnu, quoi, ouais, qui, voilà. Qui reste, qui accroche tout un peu. Fait. Oui, tout à voilà. fait. Voilà, le goût qui reste longtemps ouais. voilà. en bouche. Voilà. Et rip, Boris, hein, du coup. Ouais, par contre, du coup, ouais. Voilà. C'est, ouais. Donc il n'entendra pas notre réponse, mais... Tant pis. On espère qu'il se paluche bien là-haut. Ou qu'il soit, d'ailleurs. Oui, au troisième. Oui, voilà. Parce qu'il n'a pas dû être trouvé par la police. Mm-hmm. Très bien, alors ensuite... Courrier suivant. Qui est-ce qu'on a ? Alors, voyons. On a ça. Ah oui, tiens. Alors, tiens, celle-ci, alors... là. Elle a été envoyée quand, celle-là ? Mercredi ? Celle-ci, elle a été envoyée mercredi. Ouais, mercredi à 13h33. Elle a noté l'heure et tout, c'est formidable. Alors, il y en a marre. Marre de ces gens qui remplissent les pharmacies pour rien. Alors que certaines personnes ont des impératifs médicaux ou paramédicaux. Moi, par exemple, j'ai absolument besoin de ma crème hydratante intime et ne peux rester trop longtemps debout. Depuis 2 jours, c'est l'enfer. Signé Judith Godrèche. Alors bonjour Judith, déjà, la politesse. Bonjour Judith. Oui, elle n'est pas très polie, Judith. Oui, non. Alors vous avez tout à fait raison, hein, il est essentiel de rester bien hydraté en ces temps de troubles. Bien que confiné, n'oublions pas d'entretenir nos intérieurs pour un bon équilibre général. Hein. Faites régulièrement le ménage, hein, c'est le début du printemps et c'est une très bonne excuse pour prendre soin de nos bourgeons. D'ailleurs, le réchauffement climatique est une alerte assez claire que Dame Nature nous dit. Protégeons les zones humides. Bon courage à vous, en tout cas. Les bourgeons. Génial. Ah, je découvre, hein, comme vous. Qui est-ce qu'on a ensuite Je sais pas. Voyons. Ah, attends. Alors, oui. C'est qui, ça? Tiens. Alors. Ça vient de qui, ça? Antonin le pangolin. Ah. Alors, voyons voir. Le pangolin, oui, c'est vrai qu'on ne leur a pas fait la vie facile, hein, dans ce podcast. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Bonjour, je suis Antonin le pangolin. Bonjour, bonjour Antonin. J'y vais tout de go. On en a marre. Marre d'être pointé du doigt comme ça. Et en plus des doigts sans griffes, c'est ridicule. On nous accuse de tous les maux, mais non d'une queue à écailles. Rien de tout ça n'est de notre faute. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on en parle, hein, dans l'épisode précédent. Oui. Est-ce de notre faute si les Asiatiques bouffent des trucs vraiment pas recommandables, dont nous? Tout ça parce qu'ils ont la tige de bambou mollassonne? Est-ce que moi je mange des excréments d'éléphant quand je veux écailler ma pangoline? Non! Bon, je le fais quand même parce que c'est excellent, mais là n'est pas le sujet, vous m'avez compris. La dernière fois qu'un Asiatique était venu nous voir, ça avait donné ça blaireau dans Pokémon. Pas une pandémie qui touche tous les blaireaux du monde. Du coup, on n'a pas été méfiants, on s'est laissé approcher, on a même partagé nos meilleurs coins à fourmis. Mais les Asiatiques, c'est fourbe, comme les tarnés avec des coins à champignons. C'est raciste un pangolin quand même. Ouais, c'est extrêmement raciste. Ouais. Ouais. D'ailleurs, bonjour à Louis, votre tarné du quotidien. Stop à la stigmatisation des pangolins, sinon on va se mettre en boule. Reptiliens, pangolins, même combat. Voyez ce qu'on a fait à votre économie avec la soupe d'un des nôtres, imaginez si on lève une armée. Bref, j'espère que j'ai mis les choses au clair. Avant de vous quitter, j'aimerais que vous fassiez une minute de silence à Martin, mon cousin pangolin. C'est lui le pango zéro, l'ingrédient méchant, mis en soupe un midi pour se transformer en pandémie. Bon, quelques secondes suffiront puisque c'était quand même un sacré connard. Antonin le pangolin. Très cher Antonin, alors, tout d'abord toutes nos excuses hein, si nous avons offensé la communauté pangoline. Hein, ce n'est évidemment pas le but de notre émission. Hein, nous sommes un podcast ouvert d'esprit et tolérant. Nous rappelons que tous les pangolins ne sont pas à mettre dans le même sac. Mm. Voilà. Écoutez, pour nous faire pardonner, nous allons faire un don au pango du cœur. Je ouais. pense que c'est le minimum, ouais. en espérant que nos amis écailleux donc, voilà, restent parmi nos auditeurices. Et pour vous assurer de notre bonne foi, en hommage à votre cousin, observons quelques secondes de silence. Oui, voilà, c'est bon, on va pas en faire des questions ça plus. suffit. Voilà. Merci encore pour votre envoi, Antonin. Continuez d'écouter nos épisodes et n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui, tout à fait. Bisous. Et moi, je suis particulièrement contente que les pangolins nous écoutent, hein, ouais. Du haut de leur... Où ça vit ? D'ailleurs, c'est... Ça vit dans quoi, cette ça merde ? Ça vit où, ça ? Je sais pas. Voilà. Mais par contre, oui, effectivement, attention au racisme voilà. Anti-asiatique. Tous les Chinois ne sont pas nazis, de vrai. Eh oui. Attention, effectivement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme courrier, là ? Tiens, on n'a pas ouvert celui-là, là, encore. Tiens. C'est lequel, celui-là ? Alors, réclamation d'un auditeur bienveillant. Mesdames. Oh, c'est sérieux déjà. On aime bien, c'est sérieux. C'est carré, comme ça. Ça impose du respect. Ça doit être quelqu'un de haut placé. Ah oui, sûrement. Peut-être au ministère. On ne sait pas. On ne sait pas. On va le découvrir. Auditeur régulier de votre podcast, je m'étonne du caractère exclusif de ce dernier. Vous faites preuve d'un intellectualisme flagrant. Si. Qui vous déconnecte du monde duquel nous sommes désormais tous reclus. Peut-être l'une d'entre vous passe-t-elle trop de temps à lire Télérama. Ça, c'est toi, ça. Ah, oui, ça doit être moi, oui. Ça doit être moi. Télérama, hashtag goulag. Aussi, et pour le bien du « petit peuple », entre guillemets, fidèle à vos émissions, dont je fais partie, mais que vous semblez dénigrer tant, il est de mon devoir de citoyen de vous proposer une liste de chansons permettant de recréer le lien social qui nous est tant interdit. Bien qu'elles puissent créer un sentiment de mélancolie en les temps qui courent, ces chansons ont le pouvoir de rappeler à votre auditoire que le lien social survivra, à terme, à cette période difficile. Cette liste, non exhaustive, sera bien sûr complétée. Nous n'avons rien d'autre que du temps devant nous. Il donne donc toute une liste de chansons. Donc, dans l'attente de voir ces quelques recommandations prises en compte, je vous laisse mes plus sincères et chaleureuses amitiés. Michael Fearless Gazon Drama Queen Martine Toulza. Ah, c'est une. Oui. C'est original comme nom, prénom, deuxième prénom, troisième prénom, quatrième prénom et cinquième prénom. Surtout Martine. Ouais. Et donc, il nous a fait une petite liste, une petite playlist. Donc, on va créer une petite playlist et la diffuser pour que vous puissiez. Ah, bah tiens donc, je suis devenue belge. Je suis devenue belge pendant la nuit pour que vous puissiez tous y goûter. Alors, il faut savoir que c'est principalement donc, autour du thème de contact. Ah oui, on se touche. Hein, sur ce, voilà, on tout se ça touche. Pour aller, on se caresse en écoutant cette playlist. On se touche sur cette playlist. Il y a du français, il y a de l'anglais, y a-t-il de l'espagnol ? Je ne me souviens plus. Je ne crois pas. Mais voilà, c'est beaucoup de kiss, de touch. Et de... Embrasse-moi. Et de embrasse-moi. Et voilà. Il y a aussi la chenille, bon, voilà. Ah, oui, bon. Laquelle propose d'accrocher ses mains à la taille de son prédécesseur afin que la chenille redémarre. Voilà. Voilà, donc on va vous faire cette petite playlist et c'est à peu près tout pour le courrier du LOL. Ben écoute, je sais pas, pour l'instant, oui. De hein. Cette semaine. Et voilà, est-ce qu'on rajoute d'autres choses ? Non ? Est-ce qu'on leur dit de nous écrire par milliers ? Qu'on va essayer de répondre à tout le monde ? Oui, on va essayer, oui. Voilà, donc ça transite par notre webmestre, hein, de toute façon, Arthur, qu'on remercie encore très chaleureusement de s'occuper de ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps, nous, entre les tournées... On a un peu overbooked, ouais. Ouais, les tournées, les enregistrements, les dédicaces, ça prend du temps, tout ça. Donc merci à notre webmestre, merci à tous les auditeurs qui nous écrivent, même pour nous critiquer, hein, même pour nous insulter peut-être même. J'ai senti un petit peu de... Ouais, un petit peu de rancœur peut-être. Un petit peu de rancœur chez Michael Fearless Gazon Drama Queen Martine Toulza. donc il s'agirait de se calmer. Voilà. Calmez votre race quand même. calme bien ta race, Mika. Voilà. Et je pense qu'on peut conclure. Oui. Donc. Du coup, on va faire nous-mêmes les recommandations du jour. On va faire les. Ouais, on va faire les recommandations du jour. Donc, qu'est-ce que tu recommandes toi ? Hormis boulotter du chocolat toute la journée, c'est quand même une activité en soi. Ouais. Ça permet de gagner du temps. Moi, j'ai envie de recommander une série que j'ai regardée la semaine dernière, enfin que j'avais déjà vue mais que j'ai re-regardée. C'est une série allemande? Non, c'est pas une série allemande. Non, c'est une série française, madame, qui s'appelle Vermine. C'est un dessin Ah animé en putain, ouais. fait, mais c'est C'est sur hilarant. Netflix. C'est vraiment C'est très très fantastique. drôle. C'est vraiment dégueulasse un Ah peu. ouais. Je pense que c'est les mecs qui ont fait les cassos. Mais on dit. Alors, moi, il me semble. On Enfin. dit rien. On dirait, je ne sais pas si tu te souviens, là, il y a une voix de radio de police. C'est, j'ai l'impression que c'est la même voix que de l'assistante sociale dans les Cassos. Non mais je pense que c'est les mecs qui ont fait Franchement, les mais. cassos. Et il y a Monsieur Poulpe Oui, il y a Monsieur qui fait Poul les qui fait une voix. voix. Et franchement, mais c'est trop drôle, Ouais. quoi. C'est très très drôle. Complètement con. C'est absolument Et ça fantastique. se regarde Ah ouais. en quelques heures. Ah oui, Parce que c'est. du coup, Ouais. c'est des épisodes assez courts. Ouais. Et vraiment, c'est super trash. Ouais, c'est Donc, génial. c'est vraiment cool. Ouais. Moi, qu'est-ce que je recommande? Je sais pas trop. Mais pour l'instant, dans ma tête, j'ai que envie de faire plein de recettes de bouffe et d'innover des trucs. Et donne-nous une recette. Et j'ai pas de recette là. Bah, j'ai fait un chili con carne, mais qui était pas trop digeste. Non, mais si, quand Prenez même. des haricots en boîte en fait. Vous faites pas chier à les foutre dans l'eau. À les prendre secs, les foutre dans l'eau pendant 24 heures et ensuite essayer de les faire cuire. Ça cuit jamais cette merde. Donc prenez des haricots rouges en boîte. Voilà, moi j'ai pris une saucisse et je l'ai vidée dans le truc. Oh, Ça se fait avec le bœuf normalement, mais tellement d'images dans ma tête avec j'avais cette phrase. pas de bœuf sous la Oui, main. oui. Et à mijoter quoi. Voilà, j'espère que vous aimez bien. Juste haricots et saucisses, quoi. Voilà, T'as aux rien mis. saucisses. Ah oui. Si, des oignons, de l'ail, des tomates pelées dans leur jus. D'abord, tu fais revenir les oignons et l'ail dans une petite, Cocotte. une petite cocotte, quoi, un petit truc comme ça. Alors, moi, je les fais dans le beurre. Ah oui. Ouais. Ah oui, bien. Bah, ouais. Bah, ça se fait dans l'huile aussi, quoi, mais là, j'avais grave envie de le faire dans le beurre. Ce qui donne une odeur assez pas mal. J'ai rajouté du paprika, du cumin, 2 cuillères à café de paprika et 2 cuillères à café de cumin. J'ai mis un petit peu de piment d'Espelette et j'ai mis un petit peu de tabasco aussi. Ouais. Et ensuite, j'ai rajouté les haricots. Enfin, non, d'abord les saucisses. Enfin, la chair à saucisse. Les haricots recouverts d'eau. Tomates pelées dans leur jus. Boum, tu fous tout comme ça. Et tu laisses cuire pendant. Des heures. Ouais, alors dans la recette, il disait 1 heure, ça a cuit pendant 3 heures. C'était délicieux. C'était pas mal, ouais. Donc voilà, c'était ma petite recommandation. Et qu'est-ce qui a illuminé ta journée, Marion, Qu'est-ce qui a aujourd'hui? illuminé ma journée? Ah. Bonne question, ça. Si. Toujours pareil, vidéo qui m'a fait pleurer de rire. C'est la vidéo du confinement de Pierre-Emmanuel Barré. Jour 4, je crois. Il balade son chien en forêt. Et il met la tête de Christophe Castaner sur le bâton de son chien. Et il balance à son clébard en disant tue! Voilà. Non. Ça m'a fait énormément rire. Voilà. Je les ai pas regardés, il faut que je Putain, les regardez, regarde. c'est vraiment très Ouais, drôle. Bon, voilà, je vais bref. les regarder. Moi, qu'est-ce qui a illuminé ma journée? Bah, pas grand-chose, j'allais dire. On s'est un peu fait chier aujourd'hui, hein. Ouais, bah, j'ai C'était travaillé la sur ma vin. bibliographie. Bon, un chien. Et voilà, donc je pense que ce qui va illuminer ma journée, c'est que là, je vais regarder le dernier épisode de Ah oui. RuPaul's Drag Race. Je pense que les drag Ah queens, oui. si elles ne devaient faire qu'une chose, c'est illuminer la journée des gens. Ça, c'est sûr. Donc c'est ce que je vais faire. J'avoue, Voilà. ça me. Tu sais, je faisais le ménage là, au début du confinement. Et donc j'ai retrouvé le programme du Kalinka, donc il y a un Ouais. cabaret à Toulouse. Ouais. Et donc c'est le programme 2019-2020. Et il me tarde qu'une chose, c'est la fin du confinement et qu'on aille au cabaret Ouais, qu'on aille voir et les. qu'on fasse du lip-sync avec des drag queens, quoi. Ouais, Franchement, ça va ce être serait pas incroyable. mal. Ouais, ça me tarde vraiment. Ce serait pas mal. Donc en attendant, ben, On je peut vais faire à la on peut faire télé. un concours de lip-sync dans notre salon en vrai. Ouais, c'est vrai. On peut Bah faire ouais, ça. franchement. Donc voilà. Eh ben, écoutez, restez à couvert. Profitez du beau temps quand même, parce Ouais, qu'il fait beau. Donc franchement, il fait si vous super avez beau. moyen, genre une terrasse ou même une fenêtre, Ouais, je suis en une train modeste de me fenêtre. cramer la gueule là, Ouais. en plein soleil, c'est un bonheur. Profitez du soleil, Mais des petits oiseaux, le premier qui sort. mais le premier qui sort est fan de. Florent Pagny. Oh, très bien. Ouais, très bien, très bien. Ouais, je sais. Allez, salut. Salut.